Mon frère Yves. Chapitre 1. Le livret de marin de mon frère Yves ressemble à tous les autres livrets de tous les autres marins. Il est recouvert d'un papier parchemin de couleur jaune, et comme il a beaucoup voyagé sur la mer, dans différents caissons de navires, il manque absolument de fraîcheur. En grosses lettres, il y a sur la couverture Kermadec 2091.p. Kermadec, c'est son nom de famille. 2091, son numéro dans l'armée de mer. Et P, la lettre initiale de Paimpol, son port d'inscription. En ouvrant, on trouve à la première page les indications suivantes. Kermadec, Yves-Marie, fils d'Yves-Marie et de Jeanne d'Anvoche, né le 28 août 1851 à Saint-Paul-de-Léon, Finistère. Taille 1m80. Cheveux châtains. Sourcils châtains, yeux châtains, nez moyen, menton ordinaire, front ovale, visage ovale. Marque particulière tatouée au sein gauche d'une encre et au poignet droit un bracelet avec un poisson. Ces tatouages étaient encore de mode il y a une dizaine d'années pour les vrais marins. Exécutés à bord de la Flore par la main d'un ami désœuvré, ils sont devenus un objet de mortification pour Yves, qui s'est plus d'une fois martyrisé dans l'espoir de les faire disparaître. L'idée qu'il est marqué d'une manière indélébile et qu'on le reconnaîtra toujours et partout à ses petits dessins bleus lui est absolument insupportable. En tournant la page, on trouve une série de feuillets imprimés relatant, dans un style net et concis, tous les manquements auxquels les matelots sont sujets, avec en regard le tarif des peines encourues. Depuis les désordres légers qui se payent par quelques nuits à la barre de fer, jusqu'aux grandes rébellions qu'on punit par la mort. Malheureusement, cette lecture quotidienne n'a jamais suffi à inspirer les terreurs salutaires qu'il faudrait ni aux marins en général, ni à mon pauvre Yves en particulier. Viennent ensuite plusieurs pages manuscrites portant des noms de navires, avec des cachets bleus, des chiffres et des dates. Les fourriers Jean de Goût ont orné cette partie d'élégants paraphes. C'est là que sont marquées ses campagnes et détaillés les salaires qu'il a reçus. Premières années où il gagnait par mois 15 francs, dont il gardait 10 pour sa mère. Année passée, la poitrine au vent, à vivre demi-nu en haut de ces grandes tiges oscillantes qui sont des mâts de navires, aérés sans souci de rien au monde sur le désert changeant de la mer. Année plus troublée où l'amour naissait, prenait forme dans l'âme vierge et inculte, puis se traduisait en ivresse brutale ou en rêve naïvement pur, au hasard des lieux, où le vent le poussait, au hasard des femmes jetées entre ses bras. Éveil terrible du cœur et des sens, grande révolte, et puis retour à la vie ascétique du large, à la séquestration sur le couvent flottant. Il y a tout cela sous-entendu derrière ces chiffres, ces noms et ces dates qui s'accumulent année par année sur un pauvre livret de marin. Tout un étrange grand poème d'aventure et de misère tient là, entre les feuillets jaunis. Chapitre 2. Le 28 août 1851, il faisait, paraît-il, un beau temps d'été à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère. Le soleil pâle de la Bretagne souriait et faisait fête à ce petit nouveau venu, qui devait plus tard tant aimer le soleil et tant aimer la Bretagne. Yves apparut dans ce monde sous la forme d'un gros bébé tout rond, et tout bronzé. Les bonnes femmes, présentes à son arrivée, lui donnèrent le surnom de Bugeldu, qui en français signifie « petit enfant noir ». C'était du reste de famille, cette couleur de bronze, les Kermadec, de père en fils, ayant été marins au long cours et gens fortement passés aux halles de mer. Un beau jour d'été, à Saint-Paul-de-Léon, c'est-à-dire une chose rare dans cette région de brume, une espèce de rayonnement mélancolique répandu sur tout. La vieille ville du Moyen-Âge, comme réveillée de son morne sommeil dans le brouillard, et rajeunie, le vieux granit se chauffant au soleil, le clocher de Cresquer, le géant des clochers bretons, baignant dans le ciel bleu, en pleine lumière, ses fines découpures grises marbrées de lichens jaunes, et tout alentour la lande sauvage, aux bruyères roses, aux ajoncs couleur d'or, exhalant une senteur douce de genêt fleuri. Au baptême, il y avait une jeune fille, la marraine, un matelot, le parrain, et derrière les deux petits frères, Goulven et Gildas, donnant la main aux deux petites sœurs, Yvonne et Marie, avec des bouquets. Lorsque le cortège fit son entrée dans l'antique église des évêques de Lyon, le bedeau, pendu à la corde d'une cloche, se tenait prêt à commencer le carillon joyeux qui commandait la circonstance. Mais monsieur le curé, survenant, lui dit d'une voix rude « Reste en paix, Marie Bervrache, pour l'amour de Dieu. Ces Kermadec sont des gens qui jamais ne donnent rien à l'offrande, et le père dépense au cabaret tout son avoir. Nous ne sonnerons pas, s'il te plaît, pour ce monde-là. » Et voilà comment mon frère Yves fit sur cette terre une entrée de pauvre. Jeanne d'Anvoch, de son lit, prêtait l'oreille avec inquiétude, guettait avec un mauvais pressentiment ces vibrations de bronze qui tardaient à commencer. Elle écouta longtemps, n'entendit rien, comprit cet affront public et pleura. Ses yeux étaient tout baignés de larmes quand le cortège rentra, penaud au logis. Toute la vie cette humiliation resta sur le cœur d'Yves. Il ne sut jamais pardonner ce mauvais accueil fait à son entrée dans ce monde, ni ses larmes cruelles versées par sa mère. Il en garda au clergé romain une rancune inoubliable et ferma à notre mère l'église son cœur breton. Chapitre 3. C'était 24 ans plus tard, un soir de décembre, à Brest. La pluie tombait, fine, froide, pénétrante, continue. Elle ruisselait sur les murs, rendant plus noirs les hauts toits d'ardoise, les hautes maisons de granit. Elle arrosa comme à plaisir cette foule bruyante du dimanche, qui grouillait tout de même, mouillée et crottée dans les rues étroites, sous un triste crépuscule gris. Cette foule du dimanche, c'était des matelots ivres qui chantaient, des soldats qui trébuchaient en faisant avec leurs sabres un bruit d'acier, des gens du peuple allant de travers, ouvriers de grandes villes à la mine tirée et misérable, des femmes en petits châles de mérinos et en coiffes pointues de mousseline, qui marchaient le regard allumé, les pommettes rouges avec une odeur d'eau-de-vie, des vieux et des vieilles à l'ivresse sale, qui étaient tombés et qu'on avait ramassés, et qui s'en allaient devant eux le dos plein de boue. La pluie tombait, tombait, mouillant tout, les chapeaux à boucles d'argent des Bretons, les bonnets sur l'oreille des matelots, les shakos se galonnaient et les coiffes blanches et les parapluies. L'air avait quelque chose de tellement terne, de tellement éteint, qu'on ne pouvait se figurer qu'il y eût quelque part un soleil. On en avait perdu la notion. On se sentait emprisonné sous des couches et des épaisseurs de grosses nuées humides qui vous inondaient. Il ne semblait pas qu'elles pussent jamais s'ouvrir et que derrière il y eût un ciel. On respirait de l'eau. On avait perdu conscience de l'heure, ne sachant plus si c'était l'obscurité de toute cette pluie ou si c'était la vraie nuit d'hiver qui descendait. Les matelots apportaient dans ces rues une certaine note étonnante de gaieté et de jeunesse, avec leurs figures ouvertes et leurs chansons, avec leurs grands cols clairs et leurs pompons rouges tranchant sur le bleu marine de leur habillement. Ils allaient et venaient d'un cabaret à l'autre, poussant le monde, disant des choses qui n'avaient pas de sens et qui les faisaient rire. Ou bien ils s'arrêtaient sous les gouttières, aux étalages de toutes les boutiques, où l'on vendait des choses à leur usage, des mouchoirs rouges au milieu desquels étaient imprimés de beaux navires qui s'appelaient la Bretagne, la Triomphante ou la Dévastation, des rubans pour leurs bonnets avec de belles inscriptions d'or, de petits ouvrages en corde très compliqués, destinés à fermer sûrement ces sacs de toile qu'ils ont à bord pour serrer leurs trousseaux, d'élégants amarrages en ficelles tressés pour suspendre au cou des gabiers leurs grands couteaux, des sifflets en argent pour les quartiers-maîtres, et enfin des ceintures rouges, des petits peignes et des petits miroirs. De temps en temps, il y avait de grandes rafales qui faisaient envoler les bonnets et tituber les passants ivres, et alors la pluie tombait plus dure, plus torrentielle, et fouettait comme grêle. La foule des matelots augmentait toujours. On les voyait surgir par bandes à l'entrée de la rue de Siam. Ils remontaient du port et de la ville basse par les grands escaliers de granit, et se répandaient en chantant dans les rues. Ceux qui venaient de la rade étaient plus mouillés que les autres, plus ruisselants de pluie et d'eau de mer. Leurs canots voilés, en s'inclinant sous les risées froides, en sautant au milieu des lames pleines d'écume, les avaient amenés grand train dans le port. Et ils grimpaient joyeusement ces escaliers qui menaient à la ville, en se secouant comme des chats qu'on vient d'arroser. Le vent s'engouffrait dans les longues rues grises, et la nuit s'annonçait mauvaise. En rade, à bord d'un navire arrivé le matin même de l'Amérique du Sud, à 4 heures sonnantes, un quartier maître avait donné un coup de sifflet prolongé, suivi de trilles savants qui signifiaient en langage de marine « Armez la chaloupe !» Alors on avait entendu un murmure de joie dans ce navire, où les matelots étaient parqués, à cause de la pluie, dans l'obscurité du faux pont. C'est qu'on avait eu peur un moment que la mer ne fût trop mauvaise pour communiquer avec Brest, et on attendait avec anxiété ce coup de sifflet qui décidait la question. Après 3 ans de campagne, c'était la première fois qu'on allait remettre les pieds sur la terre de France, et l'impatience était grande. Quand les hommes désignés, vêtus de petits costumes en toile cirée jaune paille, furent tous embarqués dans la chaloupe et rangés à leur banc d'une manière correcte et symétrique, le même quartier maître siffla de nouveau et dit « Les permissionnaires à l'appel !» Le vent et la mer faisaient grand bruit. Les lointains de la rade étaient noyés dans un brouillard blanchâtre, fait d'embrun et de pluie. Les matelots permissionnaires montaient en courant, sortaient des panneaux et venaient s'aligner à mesure qu'on appelait leur numéro et leur nom, la figure illuminée par cette grande joie de revoir Brest. Ils avaient mis leurs beaux habits du dimanche. Ils achevaient sous l'ondée torrentielle des derniers détails de toilette, s'ajustant les uns les autres avec des airs de coquetterie. Quand on appela 218 Kermadec, on vit paraître Yves, un grand garçon de 24 ans, à l'air grave, portant bien son tricot rayé et son large col bleu. Grand, maigre de la maigreur des antiques, avec les bras musculeux, le col et la carrure d'un athlète, l'ensemble du personnage donnant le sentiment de la force tranquille et légèrement dédaigneuse. Le visage incolore, sous une couche uniforme de hâle brun. Je ne sais quoi de breton qui ne se peut définir avec un teint d'arabe. La parole brève et l'accent du Finistère, la voix basse vibrant d'une manière particulière, comme ces instruments au son très puissant, mais qu'on touche à peine de peur de faire trop de bruit. Les yeux gris-roux, un peu rapprochés et très renfoncés sous l'arcade sourcilière, avec une expression impassible de regard en dedans, le nez très fin et régulier, la lèvre inférieure s'avançant un peu comme par mépris. Figure immobile, marboréenne, excepté dans les moments rares où paraît le sourire. Alors tout se transforme et on voit qu'Yves est très jeune. Le sourire de ceux qui ont souffert. Il a une douceur d'enfant et illumine les traits durcis un peu comme ces rayons de soleil qui par hasard passent sur les falaises bretonnes. Quand Yves parut, les autres marins qui étaient là le regardèrent tous avec de bons sourires et une nuance inusitée de respect. C'est qu'il portait pour la première fois sur sa manche le double galon rouge des quartiers maîtres qu'on venait de lui donner. Et à bord, c'est quelqu'un, un quartier maître de manœuvre, ces pauvres galons de laine, qui dans l'armée arrivent si vite au premier venu, dont la marine représente des années de misère. Ils représentent la force et la vie des jeunes hommes, dépensés à toute heure du jour et de la nuit, là-haut, dans la mature, ce domaine des gabiers qui secoue tous les vents du ciel. Le maître d'équipage, s'étant approché, tendit la main à Yves. Jadis, il avait été lui aussi un gabier dur à la peine. Il s'y connaissait en homme courageux et fort. « Eh bien, Kermadec, dit-il, on va les arroser, ces galons ?»« Ben oui, maître, répondit Yves à voix basse, en gardant un air grave et très rêveur. Ce n'était pas de l'eau du ciel que voulait parler ce vieux maître, car sous ce rapport-là, l'arrosage était assuré. Non, en marine, arroser des galons signifie se griser pour leur faire honneur le premier jour où on les porte. Yves restait pensif devant la nécessité de cette cérémonie, parce qu'il venait de me faire à moi un grand serment d'être sage et qu'il avait envie de le tenir. Et puis il y en avait assez à la fin de ces scènes de cabaret déjà répétées dans tous les pays du monde, traîner ses nuits dans tous les bouges, à la tête des plus indomptés et des plus ivres, et se faire ramasser le matin dans les ruisseaux. On se lasse à la longue de ses plaisirs, si bon matelot qu'on soit. D'ailleurs, les lendemains sont pénibles et se ressemblent tous. Yves savait cela et n'en voulait plus. Il était bien noir, ce temps de décembre pour un jour de retour. On avait beau être insouciant et jeune, ce temps jetait sur la joie de revenir une sorte de nuit sinistre. Yves éprouvait cette impression qui lui causait malgré lui un étonnement triste, car tout cela, en somme, c'était sa Bretagne. Il la sentait dans l'air et la reconnaissait rien qu'à cette obscurité de rêve. La chaloupe partit, les emportant tous vers la terre. Elle s'en allait toute penchée sous le vent d'ouest. Elle bondissait sur les lames avec un son creux de tambour, et à chaque saut qu'elles faisaient, une masse d'eau de mer venait se plaquer sur eux, comme lancée par des mains furieuses. Ils filaient très vite dans une espèce de nuage d'eau dont les grosses gouttes salées leur fouettaient la figure. Ils se tenaient tête baissée sous ce déluge, serrés les uns contre les autres, comme font les moutons sous l'orage. Ils ne disaient plus rien, tout concentrés qu'ils étaient dans une attente de plaisir. Il y avait là des jeunes hommes qui, depuis un an, n'avaient pas mis les pieds sur la terre. Leurs poches à tous étaient garnies d'or, et des convoitises terribles bouillonnaient dans leur sang. Yves lui aussi songeait un peu à ces femmes qui les attendaient dans le Brest, et parmi lesquelles, tout à l'heure, on pourrait choisir. Mais c'est égal, lui seul était triste. Jamais tant de pensées à la fois n'avaient troublé sa tête de pauvre abandonné. Il avait bien eu de ses mélancolies quelquefois, pendant le silence des nuits de la mer. Mais alors le retour lui apparaissait de là-bas sous des couleurs toutes dorées. Et c'était aujourd'hui ce retour, et au contraire son cœur se serrait maintenant plus que jamais. Alors il ne comprenait pas, ayant l'habitude comme les simples et les enfants, de subir ses impressions sans en démêler le sens. La tête tournée contre le vent, sans souci de l'eau qui ruisselait sur son col bleu, il était resté debout, soutenu par le groupe des marins qui se pressaient contre lui. Toutes ces côtes de Brest, qui se dessinaient en contours vagues à travers les voiles de la pluie, lui renvoyaient des souvenirs de ses années de mousse, passées là sur cette grande rade brumeuse à regretter sa mère. Ce passé était rude, et pour la première fois de sa vie, il songeait à ce que pourrait bien être l'avenir. Sa mère, c'était pourtant vrai que, depuis tantôt 2 ans, il ne lui avait pas écrit. Mais les matelots font ainsi, et malgré tout, ils les aiment bien, leur mère. C'est la coutume. On disparaît pendant des années, et puis un bienheureux jour, on revient au village sans prévenir, avec des galons sur sa manche, rapportant beaucoup d'argent gagné à la peine, ramenant la joie et l'aisance du pauvre logis abandonné. Il filait toujours sous la pluie glacée, sautant sur les lames grises, poursuivies par des sifflements de vent et de grands bruits d'eau. Yves songeait à beaucoup de choses, et ses yeux fixes ne regardaient plus. L'image de sa mère avait pris tout à coup une douceur infinie. Il sentait qu'elle était là, tout près, dans un petit village du pays breton, sous ce même crépuscule d'hiver qui l'enveloppait, lui, encore 2 ou 3 jours, et avec une grande joie, il irait la surprendre et l'embrasser. Les secousses de la mer, la vitesse et le vent, rendaient incohérents ses pensées qui changeaient. Maintenant, il s'inquiétait de retrouver son pays sous un jour si sombre. Là-bas, il s'était habitué à cette chaleur et à cette limpidité bleue des tropiques. Et ici, il semblait qu'il y eût un suaire jetant une nuit sinistre sur le monde. Et puis aussi, il se disait qu'il ne voulait plus boire, non pas que ce fût bien mal après tout. Et d'ailleurs, c'était la coutume pour les marins bretons. Mais il me l'avait promis d'abord, et ensuite, à 24 ans, on est un grand garçon revenu de beaucoup de plaisir, et il semble qu'on sente le besoin de devenir un peu plus sage. Alors il pensait aux airs étonnés qu'auraient les autres à bord, surtout Barada, son grand ami, en le voyant rentrer demain matin, debout et marchant droit. À cette idée drôle, on voyait tout à coup passer sur sa figure mâle et grave un sourire d'enfant. Ils étaient arrivés presque sous le château de Brest et à l'abri des énormes masses de granit. Il se fit brusquement du calme. La chaloupe ne dansait plus. Elle allait tranquillement sous la pluie. Ses voiles étaient amenées et les hommes habillés de toiles cirées jaunes l'amenaient à coups cadencés de leurs grands avirons. Devant eux s'ouvrait cette baie profonde et noire qui est le port de guerre, sur lesquels il y avait des alignements de canons et de choses maritimes à l'air formidable. On ne voyait partout que de hautes et interminables constructions de granit, toutes pareilles, surplombant l'eau noire, et s'étageant les unes par-dessus les autres avec des rangées symétriques de petites portes et de petites fenêtres. Au-dessus encore les premières maisons de Brest, et de recouvrance montraient leurs toits mouillés, d'où sortaient de petites fumées blanches. Elles criaient leur misère humide et froide, et le vent s'engouffrait partout avec un grand bruit triste. La nuit tombait tout à fait et les petites flammes du gaz commençaient à piquer de brillants jaunes, ces amoncellements de choses grises. Les matelots entendaient déjà les roulements des voitures et les bruits de la ville qui leur arrivaient d'en haut, par-dessus l'arsenal désert, avec les chants des ivrognes. Yves, par prudence, avait confié à bord à son ami Barada tout son argent qu'il destinait à sa mère, gardant seulement dans sa poche 50 francs pour sa nuit. Chapitre 4. Et mon mari aussi, Madame Kemener, quand il est soud ou le temps il dort. Vous faites votre petit tour aussi, Madame Kervella? Et j'attends mon mari, moi aussi, donc, qui est arrivé aujourd'hui sur le Katina. Et le mien, Madame Kerdonkeuf, le jour qu'il était revenu de la Chine, il avait dormi pendant 2 jours. Et moi aussi, donc, je m'étais saoulé, Madame Kerdonkeuf. Oh, comme j'ai eu honte aussi. Et ma fille aussi, donc, elle était tombée dans les escaliers. Avec l'accent chantant et cadencé de Brest, tout cela se croise sous les vieux parapluies retournés par le vent, entre des femmes en waterproof et en coiffes pointues de mousseline, qui attendent là-haut à l'entrée des grands escaliers de granit. Leurs maris sont revenus sur ce même bâtiment qui a ramené Yves, et elles sont là, postées, soutenues déjà par quelque peu d'eau-de-vie. Elles font le guet, l'œil moitié égrillard, moitié attendri. Ces vieux marins qu'elles attendent étaient jadis peut-être de braves gabiers durs à la peine. Et puis, gangrénés par les séjours dans Brest et l'ivrognerie, ils ont épousé ces créatures et sont tombés dans les bas-fonds sordides de la ville. Derrière ces dames, il y a d'autres groupes encore, où la vue se repose, des jeunes femmes qui se tiennent dignes, vraies femmes de marins celles-ci, recueillies dans la joie de revoir leur fiancé ou leur mari, et regardant avec anxiété dans ce grand trou béant du port, par où les désirés vont venir. Il y a des mères arrivées des villages, ayant mis leurs beaux costumes bretons des fêtes, la grande coiffe et la robe de drap noir à broderie de soie. La pluie les gâte pourtant ces belles hardes qu'on ne renouvelle pas 2 fois dans sa vie. Mais il faut bien faire honneur à ce fils qu'on va embrasser tout à l'heure devant les autres. Voilà ceux du magicien qui entrent dans le port, Madame Kerdonkeuf. Et voilà ceux du Katinat aussi donc. Ils se suivent tous les deux, Madame Kemener. En bas, les canots accostent tout au fond sur les quais noirs, et ceux qui sont attendus montent les premiers. D'abord les maris de ces dames, place aux anciens qui passent devant. Le goudron, le vent, le hâle, l'eau-de-vie, leur ont composé des minois chiffonnés de singes. Et on s'en va, bras dessus, bras dessous, du côté de Recouvrance, dans quelques vieilles rues sombres, hautes maisons de granit. Tout à l'heure, on montera dans une chambre humide, qui sent l'égout et le moisi de pauvre, où sur les meubles il y a des coquillages dans de la poussière et des bouteilles pêle-mêle avec des chinoiseries. Et grâce à l'alcool acheté au cabaret d'en bas, on trouvera l'oubli de cette séparation cruelle avec un renouveau de ses 20 ans. Puis viennent les autres, les jeunes hommes qu'attendent les fiancés, les femmes ou les vieilles mères, et enfin 4 à 4 escaladent dans les marches de granit toute la bande des grands enfants sauvages qui veut conduire à la fête de ses galons. Celles qui les attendent, ceux-ci, sont dans la rue des 7 nains, déjà sortis sur leurs portes et au guet, femmes aux cheveux à la chien, peignées sur les sourcils, à la voix avinée et aux gestes horribles. Tout à l'heure, ce sera pour elles leur sève, leurs ardeurs contenues, et leur argent. C'est qu'ils payent bien les matelots le jour du retour, et, en plus de ce qu'ils donnent, il y a surtout ce qu'on leur prend après, quand par bonheur ils sont ivres à point. Ils regardaient devant eux indécis, comme effarés, grisés déjà rien que de se trouver à terre. Où aller? Par où commencer leur plaisir? Ce vent, cette pluie froide d'hiver et cette tombée sinistre de la nuit. Pour ceux qui ont un logis, un foyer, tout cela ajoute à la joie qu'on a de rentrer. À eux, cela leur faisait bien sentir le besoin de se mettre à l'abri, d'aller se réchauffer quelque part. Mais ils étaient sans gîte, ces pauvres exilés qui revenaient. D'abord, ils errèrent, se tenant les uns les autres par le bras, riant à propos de tout, obliquant de droite ou de gauche, ayant des allures de bêtes captives qu'on vient de lâcher. Puis ils rentrèrent à la descente des navires, chez Madame Krechkadek. À la descente des navires, c'était un bouge de la rue de Siam. L'air chaud y sentait l'alcool. Il y avait un feu de charbon dans une corbeille, et Yves s'assit devant. Depuis 2 ou 3 ans, c'était la première fois qu'il se trouvait dans une chaise, et du feu, comme il savourait ce bien-être tout à fait inusité, de se sécher devant un brasier rouge. À bord, jamais. Même dans les grands froids du Cap Horn ou de l'Islande. Même dans les humidités pénétrantes continues des hautes latitudes. Jamais on ne se chauffe, jamais on ne se sèche. Pendant des jours, pendant des nuits, on reste mouillé, et on tâche de se donner du mouvement en attendant le soleil. C'était une vraie mère pour les matelots, cette Madame Krechkadek. Tous ceux qui la connaissaient pouvaient bien le dire. Et puis elle leur comptait toujours au plus juste prix leur dîner et leur fête. D'ailleurs, elle les reconnaissait tous, ayant déjà de l'alcool dans sa tête grosse et rouge. Elle essayait de répéter leurs noms, qu'elle les entendait se dire entre eux. Elle se souvenait bien de les avoir vus du temps qu'ils étaient canotiers à bord de la Bretagne, et même elle croyait se rappeler leur enfance de mousse sur l'inflexible. Mais comme ils étaient devenus grands et beaux garçons depuis cette époque, vraiment il fallait son œil à elle pour les reconnaître ainsi changés. Et au fond du cabaret, le dîner cuisait sur des fourneaux qui répandaient une assez bonne odeur de soupe. Dans la rue, on entendit un grand vacarme. Une troupe de matelots arrivait, chantant, scandant à pleine voix, sur un air très gai ses paroles d'église, « Kyrie Christe, Dominum Nostrum, Kyrie Eleison ». Ils entrèrent chavirant les chaises, en même temps qu'une rafale du vent d'ouest couchait la flamme des lampes. « Kyrie Christe, Domini, Dominum Nostrum ». Les Bretons n'aimaient pas ce genre de chanson, venue sans doute des barrières de quelques grandes villes. Pourtant cette discordance était drôle entre les mots et la musique, et cela les fit rire. Du reste, c'était une bande débarquée de la Gauloise, et ils se reconnaissaient ceux-ci et les autres. Ils avaient été mousse ensemble. L'un d'eux vint embrasser Yves. C'était Carboul, son voisin de hamac à bord de l'Inflexible. Lui aussi était devenu grand et fort. Il était baleinier de l'amiral, et comme il était assez sage, il portait depuis longtemps sur sa manche les galons rouges. L'air manquait dans ce cabaret, et on y faisait grand tapage. Madame Krech-Kadec apporta le vin chaud, tout fumant, premier service du dîner commandé, et les têtes commencèrent à tourner. Il y eut du bruit cette nuit-là dans Brest, les patrouilles eurent fort à faire. Dans la rue des Sept Saints et dans celle de Saint-Yves, on entendit jusqu'au matin des chants et des cris. C'était comme si on y eût lâché des barbares, des bandes échappées de l'ancienne Gaule. Il y avait des scènes de joie qui rappelaient les rudesses primitives. Les matelots chantaient, et les femmes qui guettaient leurs pièces d'or, agitées et chevelées dans ce grand coup de feu des retours de navires, mêlaient leurs voix aigres à ces voix profondes. Les derniers arrivés de la mer, on les reconnaissait à leur teint plus bronzé, à leurs allures plus désinvoltes. Et puis, ils traînaient avec eux des objets exotiques. Il y en avait qui passaient avec des perruches mouillées dans des cages, d'autres avec des singes. Ils chantaient les matelots à tue-tête avec une sorte d'accent naïf, des choses à faire frémir, ou bien des airs du midi, des chansons basques, surtout de tristes mélopées bretonnes, qui semblaient de vieux airs de biniou légués par l'antiquité celtique. Les simples, les bons, faisaient des chœurs en partie. Ils restaient groupés par village et répétaient dans leur langue les longues complaintes du pays, retrouvant encore dans leur ivresse de belles voix sonores et jeunes. D'autres bégayaient comme de petits enfants et s'embrassaient. Inconscients de leur force, ils brisaient des portes ou assommaient des passants. La nuit s'avançait, les mauvais lieux seuls restaient ouverts, et dans les rues la pluie tombait toujours sur l'exubérance des gaietés sauvages.